être pour régulariser toute tension. Qu'il n'y ait point de sous-métier, voilà ma devise. Si tu tiens la vie, pose pas de questions. Car les vrais truands seront premiers et pose des questions plus tard. Hugo Boss, je veux ma part du gâteau. Parmi les transactions dignes de ce nom, Château Aubryon 1959, dans ma coupe de cristal. Louis Vuitton pour ma princesse phénoménale. On n'arrive pas à un résultat sans peine ni sacrifice. Pauvreté et des pavisses, mais qui veut juste survivre? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les petits profits accumulés finissent par faire de gros bénéfices. Un succès ne peut s'obtenir sans quelques risques. Voilà pourquoi je ne dors pas. Je persévère en ce que je crois, j'ai foi en moi. Hugo le patron, la cocaïne en allant. Le wind-up, ton crack. Mon labri te donne de plus responsable. Pour la crise du verglas, 12 000 sur mon petit doigt. Ma bague, je l'ai surnommée Chateaubriand. 32 000 pour mon bracelet, mon apparence, c'est la voie du succès. Une nouvelle expérience, mise sur 16 mesures. Un autre chapitre, une autre phase au bord de la plage. Côte d'Azur, j'assure mes dollars. Connexion directe avec la France, grâce au Roy Nut. Je sais que ça vous choque, check les blocs. Rive Sud, Rive Nord, G4L. C'est nous les plus forts, aussi connus comme jongleurs de pute qui pute ce salaroute avec une telle simplicité. Face à face, nez à nez, prêt à tuer à bout portant. Je suis le Satan, grand pesant, avec truand dans ces ruelles impénétrables. J'ai réussi à vivre largement, beau gosse, roi des colosses, qui possède l'équilibre entre la balance et la coca. En provenance de quel pays? Colombie, nous sommes confiants et vous conscients. Hugo le patron, la cocaïne en galon. Le wind-up, ton crack. Mon labrique, des tonnes de pute. Des tonnes de livres d'hydroponique. Des tonnes de kilos de cocaïne cuiteux. Des tonnes de fusils sont disponibles. Ma gâchette est sensible. La police découvre ton cadavre au bord de la piscine. GG, G4L, tactique palestinienne. Rappel voilà, Inch'Allah, Allah Wakbar, des extrémistes, tous certifiés criminels. L'équipe de rêve, Rive Sud prend ta pute en otage. Mon labrique collecte la gain de la soirée. Mon fusil, c'est sûr qu'il est chargé pour exploser ta noix. Après, on prend la fuite en motocyclette. Relaxe et me fais siphonner le pénis pour ne plus y penser. Recharge mon magasin. Au cas où, vaut mieux prévenir que guérir. Ma grand-maman me disait. Hugo le patron, la cocaïne en galon. Le wind-up, ton crack. Mon labrique des tonnes de pute. Hugo le patron, la cocaïne en galon. Le wind-up, ton crack. Mon labrique des tonnes de pute.